Hi. Ok. Je me vois à 30 piges, ma femme et notre futur fils. Je me sens bien avec ma mise, va falloir qu'on concrétise. Je me vois en costard, un beau taf, une belle berline. Ne pas péter les plots comme Bernie, être avant tout un mec clean. Je me vois mal, seul, sans tous mes straps. J'ai besoin de mon entourage, en solo j'ai pas le moral. Je me vois pas ce soir passer la nuit en garda. Pour ça je vais skier au phare et l'équipe de la BAC. Je me vois déjà en paf d'arma, des HLM tout crâne. Monte de neuf, vieillis mal, moi je rêve de grand boulevard. Quand je me vois dans mon miroir, il me dit rien de sans sas. Pas de paillettes, pas strass, il me fait juste voir que je prends de l'âge. Je me vois déjà sur scène, transpercer tes oreilles. Mais nique sa mère, si ce son ne rapporte pas d'oseille. Je me vois en charter qui t'espille sans avenir. Comme mon Zach à LA, mais c'est tard la vie sans famille. Je me vois. Je me vois. Je me vois. Je me vois. Je me vois. Je me vois. Je me vois. Je me vois réussir ma vie en tant qu'artiste. Je nous vois réunis, Gary Minel sur 16 pistes. Je me vois enterrer les faux MC, rest in peace. Je me vois toujours à Massy, mais pas dans mon deux pièces. Je me vois et c'est une chance. Je pense à plus tard, plus détendu au quotidien. Et pourquoi pas fait tard. Le fait est que la vie n'est pas toujours festive. Je me vois blast, putain, quand le découvert arrive. Je me vois comme Aznavour en haut de l'affiche. Je me vois reconnu, mais pas forcément riche. Je me vois cigare, Monte Cristo, bouteille de champ cristal. Mais mec, je suis qu'un cuistot, y'a que du poisson que je taille. Toi dis-moi comment tu me vois après son là. Sûrement pas en victime de la mode, comme MC Solar. Je me vois la face en m'imaginant plus tard. Je me vois là où y'aurait plus de guerre, plus d'armes. Je me vois. Je me vois. Je me vois. Je me vois. Je me vois. Je me vois voir pédé dans une soirée entre filles. Chef d'entreprise, blindé, bref, dans une autre vie. Je me vois milliardaire, à ne plus savoir quoi faire de mes sous. Qu'on me dise qu'on kiffe mes sons au pointeur, je me vois mettre des coups. Je me vois avec 10 tasses dans un nouveau hôtel. Je me vois dans 20 ans, balançant un nouveau texte. Je me vois dans 20 piges, aux côtés de mes straps. Les vraies amitiés sont rares, j'espère que t'as capté le message. Je me vois aux côtés de la femme la plus belle du monde. Mais pour l'instant, ma gueule, j'avoue, y'a pas beaucoup de demandes. Je me vois dans un monde où y'aurait plus de quai, où y'aurait plus de bombes, où y'aurait plus de guerre. Si, si. Je me vois dans un monde où on aurait ta chance, où liberté, égalité, fraternité aurait un sens. Je me vois dans une vie qui bouge, la mienne est statique. Je me vois éjaculé dans la bouche d'Alicia Keys. Je me vois. Je me vois. Je me vois. Je me vois. Je me vois. Je me vois. Je me vois.